This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. La Liga Española de Fútbol con Skander Ben Mustafa. Hola, Skander, ¿qué tal? Buenas tardes, querido. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Alors, Skander, hier c'était la fiesta du côté. Alors, je ne sais plus si c'est à Madrid ou à Barcelone, mais de toute façon, le choc a été un sacré choc. Effectivement, donc hier c'était le Grand Clásico, comme on l'appelle ici. Mais ça s'est joué au Camp Nou, à Barcelone. Et on a eu, comme tu viens de le dire, une très grande soirée de football. Un match qui a accompli toutes les promesses que normalement on doit apporter un match comme un Barcelone-Real Madrid. Et hier, on a vraiment eu une soirée trépidante avec tous les ingrédients d'un grand classique du football, c'est-à-dire des expulsions, beaucoup de buts, de la polémique et malheureusement, un score final de parité 3-3 et un but salvateur de Messi dans les dernières secondes du match qui est venu un peu agrémenter cette fiesta, cette grande fête pour que, aussi bien du côté du Barcelone que du côté de la capitale espagnole, qu'on ne soit pas ni en train de sourire jusqu'aux oreilles, ni non plus en train de pleurer. Tu es dans la poésie, là. Bon, la poésie. C'est peut-être l'inspiration du match, oui, parce que vraiment, tu sais, pendant toute la semaine, après la disqualification de ces deux équipes de la Champions League, tout le monde s'attendait à ce que ce soit un match un peu ennuyeux, un match avec deux équipes qui ne jouent pas leur meilleur football dernièrement. Et finalement, ça a été tout le contraire. On a eu une réaction d'orgueil du Barcelone, on a eu aussi une réaction d'orgueil du Real de Madrid. Et hier, les deux équipes devaient rassurer aussi bien les supporters que leur directive interne pour ne pas ouvrir des crises au sein de leur club, parce qu'aussi bien du côté catalan que du côté madrilène, une défaite hier aurait été une crise ouverte au sein du club. Pour le Barça, parce qu'ils ont été éliminés trop tôt alors qu'ils étaient tenants du titre de la Champions League, et en plus qu'ils accumulaient plusieurs contre-performances en championnat. Et de son côté, le Real de Madrid, ben, depuis le début de la saison, il ne décolle pas. On ne voit pas où veut en venir Capello avec son système de jeu. Et donc, bon, hier, ça a été un peu un sursis pour les deux clubs. Mais bon, ce qu'on doit vraiment retenir de cette soirée, c'est qu'on a eu vraiment droit à un très grand spectacle. Contre toute attente, c'est le Madrid qui a commencé en ouvrant la marque. Et très, très rapidement, le Barcelone a essayé de rattraper son retard. Mais bon, ce qui est un peu surprenant, c'est que le Real Madrid, aussi bien sur le papier que sur le terrain, était vraiment inférieur au Barcelone. Mais bon, c'est vrai que cette équipe est faite de joueurs qui ont de l'orgueil, qui ont de l'histoire derrière eux et qui ont surtout du talent. Et ils ont réussi, surtout en deuxième mi-temps, à offrir peut-être le meilleur match de cette saison. Et pour la première fois, on a vu un Real de Madrid qui joue au football avec un système de jeu qu'on n'avait jamais encore vu tout le long de cette saison. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas très rassuré hier apparemment, c'est Lilian Thuram hein, qui a été à l'origine d'un but. Ben écoute, hier ça a été la grande fête des attaquants, mais ça a été aussi des deux côtés le cauchemar des défenseurs, parce que aussi bien du côté de Madrid que du côté de Barcelone, les défenses ont pris l'eau hier. Thuram, à mon avis, ça, c'est pas vraiment sa faute, pas plus que la défense du Real de Madrid que du Barça. Hier, les attaquants en voulaient, ils avaient faim, ils voulaient marquer des buts. Et moi, j'ai vu quand même la défense du Real de Madrid beaucoup plus fragile que celle du Barça. Le Barça n'a jamais été une équipe qui se concentre sur la défense, alors que le Real de Madrid, depuis que Capello est là, devrait avoir une défense beaucoup plus solide. Et de toutes les manières, c'est ce qu'on a vu durant toute la saison. On a toujours reproché à ce Real de Madrid de Capello de jouer un football à l'italienne. Et hier, vraiment, la défense du Real de Madrid était plus que fragile. Pendant la première mi-temps, le Real de Madrid aurait pu encaisser au moins 5 buts. Et bizarrement, en deuxième période, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Le Barça a réussi à chaque fois à revenir à la marque. Mais en deuxième mi-temps, c'est plutôt le Real de Madrid qui a eu l'initiative. et la défense du Barça qui a pris l'eau et qui aurait pu aussi encaisser plus de buts que les trois qui ont été marqués hier par les Madrilènes. Bon, ce qu'on peut retenir de ce match, c'est la beauté du football. Ici, les journaux sportifs ont titré « Viva le football ». Donc hier, c'était vraiment une fête. Tout le monde était très content de voir ce match. Personnellement, j'ai assisté le match entre des fans du Barça et des fans du Real de Madrid. Et comme je te l'ai dit en début d'émission, eh bien, ce qui était sympa à la fin, c'est que tout le monde souriait, personne ne pleurait. Et tout le monde était très content d'avoir vu ce match parce que vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ces deux équipes jouer avec autant de hargne. Et hier, ça a été vraiment spectaculaire. Ouais. 3 buts partout entre Barcelone et le Real Madrid. Est-ce que les autres équipes peuvent en profiter ou l'ont déjà fait ? Eh ben écoute, je crois qu'hier, le Real de Madrid a rendu un grand service à tous les poursuivants de la première place de ce championnat, à commencer par Séville, qui, hier, avant le match, ne capitalisait qu'un point d'avance sur le Barça. Et ce soir, si le Séville réussit à gagner lors de son déplacement à Tarragone contre le Gymnastique, eh bien Séville prendra 3 points d'avance sur le Barça. Ça fait aussi le jeu du Valence, qui est actuellement en troisième position à 4 points des leaders. Et si ce soir le Valence réussit à gagner sur le terrain de l'Osasuna, elle se placera à 1 point du Barça et à 4 points de Séville. Donc en fait, si on fait les comptes, le résultat d'hier ne joue ni en faveur du Barça ni en faveur du Real de Madrid. Et en même temps, ces deux équipes hier sont sorties comme s'ils avaient gagné du terrain. Donc ça traduit bien un peu l'ambiance qu'il y a au sein des deux équipes, c'est-à-dire une ambiance de fébrilité, une ambiance de doute, et on a besoin de se rassurer et surtout de ne pas perdre. Ouais. Donc est-ce qu'on peut avoir une idée sur les autres matchs de la journée ? Bien entendu. Hier, juste avant le grand classique, il y a eu déjà un premier match qui s'est disputé. Le Levante qui se déplaçait qui recevait le Villarreal. Le match est soldé par 2-0 pour le Villarreal, qui lui permet de remonter à la 11e place de ce championnat. Depuis 17h, d'autres matchs ont commencé. Le Betis qui reçoit le Saragosse. Pour le moment, le Saragosse gagne 1-0, et ce qui permettrait, si le score s'achève sur ce score, de permettre au Saragosse de rejoindre le Real de Madrid en 4e position. Le Gymnastique qui reçoit le Séville, le leader de ce championnat, de cette Liga. Pour l'instant, le score est à 0-0. Le Getafe qui reçoit le Recreativo de Huelva. Pour l'instant, le score est à 1 partout. La Real Sociedad qui reçoit le Mallorca. Le score est aussi à 1 partout. Rappelons que la Real Sociedad est le dernier de cette Liga. Le Racing de Santander qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Le score est aussi à 1 partout pour l'instant. Le Celta de Vigo qui reçoit l'Athletic de Bilbao. L'Athletic de Bilbao pour l'instant perd 1-0. L'Athletic de Bilbao qui est en première place des équipes relégables et qui doit gagner pour essayer de se sortir de ces postes très, très dangereux. À 19h, l'Atlético de Madrid reçoit le Deportivo de la Corogne. L'Atlético de Madrid qui va essayer de s'accrocher au poste européen. Pour l'instant, il est 6e. Et finalement, à 21h, l'Osasuna va recevoir le Valence. Ça va être un match très intéressant parce que le Valence est un clair prétendant à ce titre. Le Valence est la seule équipe qui est encore en lice en Champions League. Et on verra si le Valence réussit à être aussi prétendant à cette Liga. Merci beaucoup, Skandal. Je t'en prie, Kalim, avec plaisir. Et à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine, ciao. Tire au but. Tire au but.